Salut, comme tous les dimanches, c'est Lost in Space, votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales et plus orientées, nouveautés, comme maintenant une semaine sur deux. Et on va attaquer avec les Fontaines DC qui reprennent U2. Alors, au début, ça m'a semblé bizarre. Mais en fait, je me suis rendu compte, après les avoir vus sur scène, qu'en fait, c'était plus ou moins leurs idoles. En tout cas, Fontaines DC, groupe qui est passé de pépite pop post-punk, on va dire, à groupe déjà presque de vieux en moins de 2 ans. On aura ensuite Jack White, des fameux White Stripes, et Therapy, qui... En fait, c'est pas une nouveauté, mais c'est plutôt un album ressorti. Les Interrupters qui font un petit concert medley punk. Et enfin, les Yard Act que j'ai pu aussi voir en concert ces derniers temps. Allez, c'est parti. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now that you've got someone to blame? You said one love, one life. Well, it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, but you want me to go without. Did I ask too much? More than a lot. Give me nothing. Now it's all I've got. We're one, but we're not the same. Yeah, we carry each other, carry each other. You said love is a temple, love the higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, then you make me crawl. I can't keep holding on to what you've got, when all you've got is love. One love, one life. It's one need in the night. One love, we get to share it. Leave your baby if you don't care. One. figures and you pull on the triggers. Well, you're taking me back, you're taking me back. When you listen to mystics as you lay at your picnics, you're taking me back, you're taking me back. I've been to blue, but not for long. I'm alone, but not for long. It's breaking my back. Thank you. On continue avec encore une fois les Interrupters, donc on en a passé pas mal comme ces derniers temps du dernier album, ici c'est Raised by Wolves. On aura ensuite Surf Curse, Regulate, Antenebula et Delilu. Je pense que je le prononce bien le morceau, en tout cas ça s'appelle Body and Soul, c'est plus simple. You got my letter, you read it twice, short breaths, long sighs. Might be a liar, might be a drunk, but I forgive you for your giving up, for your giving up. It doesn't matter, my life was shattered, and my heart's got holes. You left a child out in the wild, and I was raised by wolves, I was raised by wolves. We don't have to always win. Ça continue avec les Fabulous Ship, groupe français dont on a passé un paquet de morceaux ces derniers temps. On aura ensuite Do It Later, Totoro, Italia 90, Nod et Ice Age, le retour des Danois avec des morceaux inédits. Alors ils ne sont pas forcément tout neufs d'ailleurs, mais c'est plutôt des choses inédites. We'll be right back. skeleton and hinge my bones. Residual control, shake off control, send her away, give them all away. Residual power, take back the power, tread the bodies down, flesh and bone and the mud and stone. Residual influence, smash the influence, the glory for that day lies a mile away. Tread the bodies down, flesh and bone, under mud and stone. Magdalene, Magdalene, Magdalene, Magdalene, the killer. Magdalene, Magdalene, Magdalene, the killer. The killer, the killer. Killer. to make you certain. Takes a shot to save you free. Takes an ocean to spread a limit around me. Current ammo at your feet. But it feels like a relief. Say your head is fully dazzled. Suddenly bereft of me. The outpouring from the bowels like a key. It's a cruel misconception beyond the borders of the word. But I can't help or shake the feeling that I wonder if she's out tonight. Running through the mazes and labyrinths compared to the slum, raising the question that I wonder if you're out tonight. Oh yeah. Vous êtes toujours sur les ondes du 100 FM de Radioactive, Lost in Space. En ce dimanche soir, on continue les nouveautés avec Marcel, groupe belge, Astaford Mods, ensuite groupe français du Gers avec un accent. Alors, le nom Astaford Mods, c'est vraiment parce qu'ils veulent copier, on va dire, les Sleaford Mods. On aura ensuite Joyce Manor, plutôt pop-punk américain. Nine Inch Nails, alors c'est pas une nouveauté parce que c'est un morceau qui s'appelle I'm Afraid of Americans. Et par contre, c'est des concerts de cet été parce que depuis le Covid, en fait, il y a des concerts à ne plus savoir quoi en faire. Et on finit avec un côté un peu cabaret gothique d'un groupe qui s'appelle Opus Kink. We're lui a pris des ECP. Tata a adoré taper. C'était sa façon d'étudier, c'était tape par étape que notre expert s'est façonné. Il n'aimait pas le tape cul parce qu'on se cognait pas en vrai. N'aimait pas taper le foot, pour lui c'était tapiné. T'as pas idée des gros câlins qu'il faisait au bipède. Même une patte a priori te procurerait moins de fièvre. Taper sur des bambounos, taper sur des types. T'apprendras qu'un jour on lui a proposé la musique. Mais pour tata de taper le bœuf, c'était à peu près comme pousser le bouton tape au lieu de celui céder. C'est pas type, c'est pas top, c'est tape. Dans les habits t'as pas l'œil des copains qui faisaient du rap. Il se tapait ses délires en solitaire comme un tapir. Et tout ça sans jamais taper le chlouvre. T'apprécieras la différence entre la manie et l'engeance. Un tapinois ne verra ta pente t'entends le tapement sur le loup-garou qui se présente et t'appelle. Tape mon 5 parce que toi on t'apprécie. T'appréhendes mais t'approches, t'as pas le choix, t'obéis. Il t'aplanit la poigne et le doigt est t'appauvri. T'approches son respect en te troussant face au tapis. T'approuves pas, t'as pas compris, c'est pas toi qui décide. Comme pour un tango, c'est ta tane qui te guide. Ou t'exploses comme un miroir et confetti de ta pièce. T'inquiète qu'il t'appointera la monnaie de ta pièce. T'apitoyer sur ton sort, t'apportera pas grand chose. T'apprivoisera tes plates, soignera des échymoses. T'as pas capté à temps que pour tata ne pas les pattes. T'apprécieras le potage mais que les pattes, hey. Et comme une fois les pieds croûtés, on l'a aidé à s'orienter. Les militaires peuvent se gratter, t'abattre pas notre copain dans une tapette à teubée. On l'eut cru, t'as peur de poivre ou marteau à tapisserie. T'applaudiras l'idée de lui faire taper les tapis. Ou taper à la machine à la mornifle, tapusserie. T'empoler des gueules comme pour raconter sa vie. Tout faut en vrai, tata n'était fort en cuisine. À son tape niveau, c'est dans la tarte qu'il s'exprime. À la pêche, à la prune, à la poire, même à la patate. À droite, à la toute, à ta penade et au tapas. Il t'a privé d'appareil pour te taper une entrecôte. Il t'a prévu du tapioca qui t'applique à la gote. T'as pas meilleur cuisse pour te réduire en gibelotte. Et ce tapage un génie et l'autre pote, oui. T'apparente pas à tatane. Même costaud t'es pas en canne. Bam. with the stars. Johnny causes here, Johnny wants busy in cars. Johnny's an American. Chapel of St. Paul, summon the minstrels of the town. Bring us guitar, the organet, the castanet, the horn, and the drum. Thank you. whispered from the past squats like a spider in the shadow you cursed. On continue avec les nouveautés, avec PJ Harvey qui revient avec une reprise de Leonard Cohen qui s'appelle Who by Fire. C'est pour une série dont j'ai oublié le nom, bien évidemment, qui est sur une des multiples plateformes actuelles. On aura ensuite Préoccupation, puis je pense peut-être le meilleur tube de ces dernières semaines de Chats, ce magnifique groupe de punk australien et qui chante une chanson qui s'appelle I've been drunk in every pub in Brisbane. Donc vraiment, vous allez voir, c'est pas mal. Alors ça rappelle un peu des vieux morceaux punk comme Ballroom Blitz, il y a un petit air commun, mais bon, c'est, ça reste bien. On aura donc ensuite deux courettes, petit groupe 60s, puis Wild Karma, et c'est parti. And who by fire, who by water, who in the sunshine, who in the nighttime, who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who shall I say is calling? Who by barbiturate? Who in these realms of love? Who by something blunt? Who by avalanche? Who by powder? Who for his greed? Who for his hunger? And who shall I say is calling? Sent. Who by accident, who in solitude, who in this mirror, who by his lady's command, who by his own hand, Écoutez toujours sur Lost in Space en ce dimanche soir. On va continuer donc avec Gustave, puis Sparta. Alors Sparta, pour ceux qui connaissent, ce sont une partie des membres de At The Drive-In. On a ensuite encore les Astaphorn Mods du Gers, John Spencer and the Hitmakers, le nouveau nom de John Spencer Blues Explosion, et enfin un petit combo français qui s'appelle Distraction Forever, et c'est parti. parler aux gens que je ne connais pas. Je raffole pas du kir, je préfère le calva. Je déteste le bruit que Patrick fait quand il mange. J'aime le raffut et la soupe aux phalanges. J'aime pas voyager, je sais pas comment tu fais toi. Je m'accommode de l'ennui que me procure mon chez moi. J'ai un peu de vue omniscient assis sur ma murette. On n'a pas pour coutume ici de se prendre la tête. Je hais les jeux de hasard et les fêtes foraines. Je préfère les clés plates à ces putains de clés à laine. J'aime pas travailler, putain, ça va de soi. J'aime pas trop comment tu me regardes toi. Je n'aime pas les minés, les coquets, les pomponnés. Pareil, j'en ai rien à foutre des punks et de la funk. J'aime pas les pâtes de fruits, ça me fout la gerbe. Je ne suis pas si friand de ces ampoules à LED. J'aime les hiboux quand ils n'ont pas de sourcils. J'aime pas les hippies parce que je les trouve imbéciles. Je n'aime pas ça quand je vomis dans mes draps. La prochaine fois je dégueulerai chez toi. J'aime la drogue et le clafoutis au pruneau. Je déteste le punch, le karting et le bateau. Je téléphone jamais parce que ça m'ennuie. J'arrive pas à me lever avant 10h30. Je n'aime pas les jeans, vraiment je trouve ça moche. Mais putain, elles sonnent toutes les heures, ces putains de cloches. J'aime les fins de soirée bien lentes, l'odeur de la brune dente. Quand vient le bouilleur, Rastafort, Rastafort. Je ne suis pas très chien mais j'adore les chats. Non je déconne, rien à foutre de tout ça. J'aime les cabriolets noyés au fond du Gers. J'aime faire la sécu pendant la staffeste. J'aime péter les guitares à grands coups de chausse. J'aime pas les flics, les costards et les babos. J'exacre la télé et les putains de séries. Je conchis la pluie et les connards entrés. Je déteste cuisiner et je peux pas saquer les chips. J'emmerde proprement les savants et les nihilistes. Je n'aime aucun prénom, je les trouve tous pourris. J'aime pas me coincer les doigts dans mon putain d'établi. Il faut savoir ce qu'on veut, comme un et un font deux. C'est ce qu'on s'est dit avec les potes, avec les potes. Yeah. let's go! Whip it on me, baby! Destroy all sense of time. Come on! No more rewind! Destroy. Let's go fast! Forward! Now! Let's go! All the time! Continue les nouveautés avec les Flatliners, donc groupe de chez Epitaph qui vient Epitaph ou Fat Records, pardon, plus exactement, qui vient de sortir, donc punk rock californien. Puis ensuite New Dad, petit groupe légèrement pop shoegaze que j'ai eu la chance de voir en concert il y a quelques temps, vraiment, c'était très très sympa. Ensuite on aura Double Cheese, donc du garage rock à la française, puis S is for Swallow, et enfin La Découpe. Let a little bit of soft light in. gradually. So here's a picture of you that of course includes me. Watching for friendship in a digital age, it's reminding you of the exact shape of my face. My face. Follow my dead eyes. Follow my dead eyes. Follow my dead eyes. Serenity now. Follow my dead eyes. A bill just to burn each one of us down. So I'll keep pushing. C'est donc bientôt la fin de notre émission. Il ne reste plus qu'une seule séquence pour ces nouveautés. Donc, on vient d'écouter un bon groupe punk français, La Découpe, avec ce morceau Inadapté. Et on va donc finir avec peut-être un des meilleurs groupes de ces derniers temps, les Viagra Boys, avec leur magnifique album. On aura ensuite le retour des punk rock un peu celtiques, les Flogging Molly, puis Camp Trash, No Age, et pour clôturer cette émission, nos natifs du Gers, les Astaford Mods, dont on a parlé et passé plusieurs morceaux. Yeah.

you're right. Is that what you wanted to hear? A bad week, a short trip, white noise couldn't make you quit. Feeling up to it, wanted something more, couldn't face it in. Packing up the hours of anxious, everything I never did. So much is riding on me, I'm fucking up. moon. I waited all till you were through. I can't wait, I just can't wait. I can't wait, I just can't wait. Something going on, a little bit of sun. Now I know you all were wrong. I can't wait, I just can't wait. I can't wait, I just can't wait. Putain de cendrier ça. Putain, mais il est où ce con? Ah, fais chier putain, je trouve pas ce con de micro. Putain, c'est toujours quand tu cherches les trucs que tu les perds quoi. Putain, c'est pas possible quoi. Ah, dans les mains. Oui, oui, je l'ai dans la main. C'est rigolo. Eh, si je chante dedans, je l'approche de la gueule, je vois plus, c'est normal. Putain, ah putain, y'a plus de temps en plus. Ça fait chier quoi. Ouais quoi. Patrick? Qu'est-ce que tu fous dans mon cellier colo? Toi va plutôt bien ta gueule, espèce de projeton. Et ton avorton de collègue à Jean, ouais, aussi, tout pareil. Et vous avez un autre à foutre, vous, les autres abrutis, comme fixer avec vos sales tranchailleries de raclure de bidet. Non, non, non, non, non, non, non. C'est vous d'abord le couillon, moi je suis super cool. D'autant que là, je suis sous calma, je me prends pas trop la quiche. Et j'ai pas envie de râler, alors me faites pas chier. Putain. Et en plus, il pleut! Mais merde, c'est pas possible ça, merde! Mais non, c'est pas vrai! Encore, j'ai oublié les oignons, bon pire, je m'en cogne des oignons! Mais là, comment tu veux que je fasse une putain de blanquette sans le vin blanc, merde! J'ai pas fait ça quand même, oublié le putain de vin blanc! Et maintenant, à cette heure-ci, tout est fermé, merci bien! Aussi, l'autre, bien sûr, il m'appelle, pile au moment où je fais les courses, pour demander si j'ai son putain de micro. Merde, qu'est-ce que tu veux que je foute avec son micro? Après, je suis pas concentré et j'oublie le truc. Et voilà, et merde. Chier. Putain. Merde. Chier. Putain. Merde. Fais chier. Putain. Merde. Fais chier. Putain. Merde. Chier. Putain. Merde. Fais chier. Putain. Et merde.